Chapitre 3e. L'amour paternel. Les motifs de la clémence du comte envers son fils étaient puisés dans un etc. de notaire. En effet, au moment où le rebouteur lui arrêta les mains, l'avarice et la coutume de Normandie s'étaient tout à coup dressées devant lui. Par un signe, ces deux puissances lui engourdirent les doigts et imposèrent silence à ses passions haineuses. L'une lui cria : Les biens de ta femme ne peuvent appartenir à la maison d'Hérouville que si un enfant mâle les y transporte. L'autre lui montra la comtesse mourante et les biens réclamés par la branche collatérale des Saint-Savin. Tous deux lui conseillèrent de laisser à la nature le soin d'emporter l'avorton et d'attendre la naissance d'un second fils qui fût sain et vigoureux pour aider la nature et pouvoir mépriser la vie de sa femme. Alors il ne vit plus un enfant, il vit des domaines. Sa tendresse subite était forte comme son ambition. Il aurait voulu, dans son désir de satisfaire à la loi, que ce fils mort-né eût les apparences d'une robuste constitution. Connaissant mieux le caractère du comte, la mère, encore plus surprise que le rebouteur, conserva une crainte instinctive qu'elle manifestait parfois avec hardiesse, mais son enfant lui avait donné de la force et fait un courage. Pendant quelques jours, le comte resta très assidûment auprès de sa femme et lui prodigua des soins auxquels l'intérêt imprimait une sorte de tendresse. Mais, avec l'œil d'une mère, la comtesse aperçut promptement qu'elle seule était l'objet de toutes ses attentions. La haine du père pour son fils était visible. Il s'abstenait toujours de le voir ou de le toucher, se levait brusquement et allait donner des ordres au moment où les cris se faisaient entendre. Enfin, il ne semblait lui pardonner d'exister que dans l'espoir de sa mort. Mais cette dissimulation coûtait encore trop au comte. Le jour où il s'aperçut que l'œil intelligent de la mère devinait, sans le comprendre, le danger qui menaçait son fils, il annonça son départ pour le lendemain de la messe des Relevailles, en prétextant la nécessité où il était d'amener au secours du roi toutes les forces dont il pouvait disposer. Telles furent les circonstances qui accompagnèrent et précédèrent la naissance d'Étienne d'Hérouville. Le comte n'aurait pas eu, pour désirer incessamment la mort de ce fils désavoué, le puissant motif de l'avoir déjà voulu. Il aurait même fait taire cette triste disposition que l'homme se sent de haïr l'être auquel il a nui une première fois, et il ne se serait pas trouvé dans l'obligation, cruelle pour lui, de feindre de l'amour pour un avorton qui lui était odieux. Le pauvre Étienne n'aurait pas moins été l'objet de son aversion. La constitution rachitique et maladive de ce petit corps, dont la caresse paternelle avait peut-être aggravé les défauts de conformation, était aux yeux du comte une offense toujours flagrante pour son amour-propre de père. S'il avait en exécration les beaux hommes, il ne détestait pas moins les gens débiles, voués aux sciences et aux plaisirs de l'intelligence. Pour lui plaire, il fallait être laid de figure, grand et robuste. L'ignorance des livres et la connaissance de l'art militaire étaient les seules qualités qu'il prisa dans un homme. La rudesse des manières et du langage achevait d'en faire, à ses yeux, un modèle accompli de virilité. Étienne devait donc trouver dans son père un ennemi sans générosité. Sa lutte avec ce colosse commençait dès le berceau, et pour tout secours contre un antagoniste aussi dangereux, il n'avait que le cœur de sa timide et jeune mère, dont l'amour pour lui s'accroissait, par une loi touchante de la nature, de tous les périls qui le menaçaient. Enseveli tout à coup dans une profonde solitude par le brusque départ du comte, ces deux êtres faibles et timides se comprirent admirablement, s'unirent par une même pensée et arrivèrent à n'avoir qu'une même existence. Au moment où, pour la première fois, Étienne distingua les objets et qu'il put exercer sa vue avec cette stupide avidité naturelle aux enfants, ses regards rencontrèrent les sombres lambris de la chambre d'honneur. Lorsque sa jeune oreille s'efforça de percevoir les sons et d'en saisir les différences, il entendit le bruissement monotone des eaux de la mer qui venait se briser sur les rochers par un mouvement aussi régulier que celui d'un balancier d'horloge. Ainsi, les lieux, les sons, les choses, tout ce qui frappe les sens, prépare l'entendement et forme le caractère, s'accordait à le rendre enclin à la mélancolie. Dès sa naissance, il devait croire que sa mère était la seule créature qui existât sur terre, voir le monde comme un désert, et s'habituer à ce sentiment de retour sur nous-mêmes qui nous porte à vivre seuls, à chercher en nous les immenses ressources de la pensée. Comme tous les enfants en proie à une souffrance, il gardait presque toujours une attitude passive. La délicatesse de ses organes était si grande qu'un bruit trop soudain ou la compagnie d'une personne tumultueuse lui donnait une sorte de fièvre. Vous eussiez dit un de ces petits insectes pour lesquels Dieu semble modérer la violence du vent et la chaleur du soleil. Aussi, comme eux, incapable de lutter contre le moindre obstacle, il cédait comme eux, sans résistance et sans plainte à tout ce qui paraissait agressif. Cette patience angélique inspirait à sa mère un sentiment profond qui l'aidait à supporter les soins minutieux et constants réclamés par une santé si chancelante. Les avis du rebouteur étaient toujours écrits devant elle, et alors, craignant tout pour son enfant, elle assit la défiance près de son berceau. Bientôt, elle trouva des joies célestes dans la triste existence qu'elle croyait déshéritée de bonheur. Voir son fils, c'était oublier ses peines. Elle admira la providence qui le plaçait, comme une foule de créatures, au sein de la sphère de paix et de silence, la seule où il put s'élever heureusement et se soustraire à la mort. Souvent, les mains maternelles, pour lui si douces et si prudentes, le transportaient dans la haute région des fenêtres ogives. Alors, ses yeux bleus, comme ceux de sa mère, semblaient étudier les ondes vertes de l'océan. Ils restaient ainsi tous deux des heures entières à contempler l'infini de cette vaste nappe, tour à tour sombre et brillante. Ces longues et muettes méditations étaient pour Étienne un secret apprentissage de la douleur, car presque toujours les yeux de sa mère se mouillaient de larmes. Et alors, pendant ces pénibles songes de l'âme, les jeunes traits d'Étienne ressemblaient à un léger réseau tiré par un poids trop lourd. Puis, bientôt, sa précoce intelligence du malheur lui révélant tout le pouvoir de ses jeux enfantins sur la comtesse, il essayait, en ces instants de tristesse, de la divertir par les mêmes caresses dont elle se servait pour endormir ses souffrances. Et jamais ses petites mains lutines, ses demi-mots bégayés, ses rires intelligents, ne manquaient de dissiper les rêveries de sa mère. Alors, s'il était fatigué, une délicatesse instinctive l'empêchait de se plaindre. « Pauvre chère sensitive !» s'écria la comtesse en le voyant endormi de lassitude après une folâtrerie qui venait de faire enfuir un de ses souvenirs les plus douloureux. « Où pourras-tu vivre? Qui te comprendra jamais? Toi, dont l'âme tendre sera blessée par un regard trop sévère et qui, semblable à ta triste mère, estimera un sourire chose plus précieuse que tous les biens de la terre. Ange aimé de ta mère, qui t'aimera dans le monde? Qui devinera les trésors ensevelis sous ta frêle enveloppe? Personne. Comme moi, tu seras seule sur terre. » Elle soupira, pleura, mais en voyant la pose gracieuse de son fils qui dormait sur ses genoux, elle sourit avec mélancolie et le regarda longtemps en silence, heureuse et goûtant de ces plaisirs muets, profonds, qui sont un secret entre les mères et Dieu. À 18 mois, la faiblesse d'Étienne n'avait pas encore permis à la comtesse de le promener au dehors. Mais les légères couleurs qui nuançaient le blanc mat de sa peau, comme si le plus pâle des pétales d'un églantier eût été apporté par le vent, attestaient la vie et la santé. Au moment où elle commençait à croire aux prédictions du rebouteur et s'applaudissait d'avoir pu, en l'absence du comte, entourer son fils des précautions les plus sévères, afin de le préserver de tout danger, les lettres écrites par le secrétaire de son mari lui annoncèrent le prochain retour du maître. Un matin, la comtesse, livrée à la folle joie qui s'empare de toutes les mères quand elles voient pour la première fois marcher leur premier enfant, jouait avec Étienne à ces jeux aussi indescriptibles que le charme des souvenirs. Tout à coup, elle entendit craquer les planchers sous un pas pesant, et à peine s'était-elle levée, par un mouvement de surprise involontaire, qu'elle se trouva devant le comte. Elle jeta un cri d'effroi, mais elle essaya de réparer ce tort involontaire en s'avançant vers le comte et lui tendant son front avec soumission pour y recevoir un baiser. « Si j'avais été prévenu de votre arrivée ?»« La réception, » dit le comte en l'interrompant, « eût été plus cordiale et moins franche. » Il avisa l'enfant, et l'état de santé dans lequel il le revoyait lui arracha d'abord un geste de surprise empreint de fureur. Mais réprimant soudain sa colère, il se mit à sourire. « Je vous apporte de bonnes nouvelles, » reprit-il. « J'ai le gouvernement de Champagne et la promesse du roi d'être fait duc et pair. Puis nous avons hérité d'un parent. Ce maudit Huguenot de Chaverny est mort. » La comtesse pâlit et tomba sur un fauteuil. Elle devinait le secret de la sinistre joie répandue sur la figure de son mari et que la vue d'Étienne semblait accroître. C'était le rire d'un démon. « Monsieur, dit-elle d'une voix émue, vous n'ignorez pas que j'ai longtemps aimé mon cousin de Chaverny. Vous répondrez à Dieu de la douleur que vous me causez. » À ces mots, le regard du comte étincela, et ses lèvres tremblèrent sans qu'il pût proférer une parole, tant il était ému par la rage. Mais enfin, jetant sa dague sur une table avec une telle violence que le fer résonna comme un coup de tonnerre, « Écoutez-moi » cria-t-il d'une voix étourdissante, « et souvenez-vous de ceci. Je ne veux jamais entendre ni voir le petit monstre que vous tenez dans vos bras. Il est votre enfant et non le mien. A-t-il un seul de mes traits? Jour de Dieu, cachez-le bien ou sinon. » Juste ciel, cria la comtesse. Silence, répondit le colosse. Si vous ne voulez pas que je le heurte, faites en sorte qu'il ne se rencontre plus sur mon passage. Alors, reprit la comtesse qui se sentit le courage de lutter contre son tyran, jurez-moi de ne point tenter à ces jours, si vous ne le voyez pas. Puis-je compter sur votre parole de gentilhomme? Mais, reprit le comte, eh bien, monstre, tuez-nous donc! S'écria-t-elle en se jetant à genoux et serrant son enfant dans ses bras. Levez-vous, madame. Je vous engage, ma foi de gentilhomme, de ne rien entreprendre sur la vie de ce maudit embryon, pourvu qu'il demeure sur les rochers qui bordent la mer au-dessous du château. Mais malheur à lui si je le trouve jamais au-delà de ses limites. La comtesse se mit à pleurer amèrement. « Voyez-le donc, dit-elle, c'est votre fils. « Madame !» À ce mot, la comtesse épouvantée emporta son enfant dont le cœur palpitait comme celui d'une fauvette surprise dans son nid par un pâtre. Mais soit que l'innocence est un charme auquel les hommes les plus endurcis ne sauraient se soustraire, soit que le comte se reprochât sa violence ou craignît de plonger dans le désespoir une créature nécessaire à ses plaisirs et à ses desseins, sa voix était redevenue aussi douce qu'elle pouvait l'être au moment où sa femme revint pâle et presque mourante. « Jeanne, ma mignonne, lui dit-il, donnez-moi la main et ne soyez pas rancunière. On ne sait comment se comporter avec vous. Je vous apporte de nouveaux honneurs, de nouvelles richesses, et tête Dieu, vous me recevez comme un maestre dans un parti de Manant. Mon gouvernement va m'obliger à de longues absences jusqu'à ce que je l'aie changé pour celui de Normandie. Ainsi, ma mignonne, au moins faites-moi bon visage pendant mon séjour ici. » La comtesse comprit le sens de ces paroles. Leur fin de douceur ne pouvait plus la tromper. « Je connais mes devoirs, » répondit-elle avec un accent de mélancolie que son mari prit d'abord pour de la tendresse. Il y avait trop de pureté, trop de grandeur chez cette timide créature pour qu'elle osât essayer, comme certaines femmes adroites, de gouverner le comte en mettant du calcul dans sa conduite ou en prostituant son cœur. Elle soupira, s'éloigna en silence, soumise et cachant son désespoir. « Tête Dieu pleine de reliques, je ne serai donc jamais aimée !» s'écria le comte en surprenant une larme dans les yeux de sa femme au moment où elle sortit. Par une espèce de sortilège, dont toutes les mères ont le secret, et qui avait encore plus de force entre la comtesse et son fils, elle réussit à lui faire comprendre le péril qui le menaçait sans cesse et lui apprit à redouter l'approche de son père. La scène terrible dont Étienne avait été témoin se grava dans sa mémoire de manière à produire en lui une maladie. Il finit par pressentir la présence du comte avec tant d'instinct que si un de ces sourires dont les mères connaissent les signes imperceptibles animait sa figure au moment où ses organes imparfaits, déjà façonnés par la crainte, lui annonçait la marche lointaine de son père. Ses traits se contractaient, et l'oreille de la mère n'était pas plus alerte que le sentiment intérieur du fils. Avec l'âge, cette faculté de terreur grandit au point qu'Étienne, semblable au sauvage de l'Amérique, distinguait les pas de son père, savait écouter sa voix éclatante à des distances éloignées et prédisait sa venue. Voir le sentiment de terreur que son mari lui inspirait, partagé sitôt par son enfant, le rendit encore plus précieux à la comtesse, et leur union se fortifia si bien que, comme deux fleurs nées sur la même tige, ils se courbaient sous le même vent, se relevaient par la même espérance, c'était une même vie. Au départ du comte, Jeanne commençait une seconde grossesse, et cette fois, elle accoucha au terme voulu par les préjugés. Elle mit au monde, non sans des douleurs inouïes, un gros garçon, qui, 18 mois après, offrit une si parfaite ressemblance avec son père que la haine du comte pour l'aîné s'en accrut singulièrement. Pour sauver son enfant chéri, la comtesse consentit à tous les projets que son mari forma pour le bonheur et la fortune de leur second fils. Étienne fut destiné à l'état ecclésiastique. Maximilien devait être l'héritier des biens et des titres de la maison d'Hérouville. À ce prix, la pauvre mère assura le repos de son enfant chéri. Jamais deux frères ne furent plus dissemblables qu'Étienne et Maximilien. Le cadet eut en naissant le goût du bruit, des exercices violents et de la guerre. Aussi le comte eut-il pour lui autant d'amour que sa femme en avait pour Étienne. Les deux frères grandirent sans se connaître, sans se voir, et arrivèrent à l'âge de l'adolescence. Étienne habitait une petite chaumière de jardinier située dans une grotte de granit au bord de la mer, au pied du château. Sa mère avait fait disposer l'intérieur de cette humble maison de manière à ce que son fils y trouvât toutes les jouissances du luxe. Elle y allait passer avec lui la plus grande partie de la journée. Il parcourait les rochers, les grèves, et elle lui indiquait les limites du petit domaine de sable, de coquilles, de mousse et de cailloux qui lui appartenaient. Insensiblement, il avait compris, par la terreur profonde dont la mère était saisie, s'il venait à faire un pas hors de cette enceinte, que la mort l'attendait au-delà. Chez lui, le nom de père excitait tout à la fois une terrible crainte qui troublait son âme, la dépouillait de son énergie, et le soumettait à cette espèce d'atonie qui fait tomber à genoux une jeune fille devant un tigre. Caché dans un trou de rocher, il apercevait souvent de loin ce géant sinistre, où il en entendait la voix. Et alors, l'impression douloureuse qu'il avait ressentie jadis au moment où il en fut maudit, lui glaçait le cœur. Aussi, comme un lapon qui meurt au-delà de ses neiges, il se fit une délicieuse patrie de sa cabane, de ses rochers, et s'il en dépassait l'enceinte, il éprouvait un malaise indéfinissable. Sa mère, sentant que ce pauvre enfant ne pouvait trouver de bonheur que dans une humble sphère de calme et de silence, lui avait donné tous les goûts de la solitude. Ainsi, la bibliothèque du cardinal d'Hérouville fut en quelque sorte son héritage. La lecture devait remplir sa vie. Pour le dédommager de ses infirmités, la nature l'avait doué d'une voix si mélodieuse qu'il était difficile de résister au plaisir de l'entendre. Sa mère lui enseigna la musique, et quelques chants tendres et mélancoliques, soutenus par les accents d'une mandoline, fut un de ses trésors. La studieuse poésie, dont les riches méditations nous font parcourir en botaniste les vastes champs de la pensée, la féconde comparaison des idées humaines, l'exaltation que nous donne la parfaite intelligence des œuvres du génie, devinrent les inépuisables et tranquilles félicités de sa vie rêveuse et solitaire. Enfin, les fleurs, création ravissante, dont la destinée avait tant de ressemblances avec la sienne, eurent tout son amour. Aussi, heureuse de voir à son fils des passions innocentes qui le garantissaient du rude contact de la vie sociale, auquel il n'aurait pas plus résisté que la plus jolie Dora de l'océan n'eût soutenu sur la grève un regard du soleil, la comtesse encouragea les goûts d'Étienne en lui apportant des romanceros espagnols, des motets italiens, des livres, des sonnets, des poésies, et chaque matin, il trouvait sa solitude peuplée de jolies plantes, aux riches couleurs, aux suaves parfums. Ces lectures auxquelles sa frêle santé ne lui permettait pas de se livrer longtemps, et ses faibles exercices au milieu des rochers, étaient interrompus par de naïves méditations qui le faisaient rester des heures entières devant ses riantes fleurs, ses douces compagnes, ou tapis dans le creux de quelques roches en présence d'une algue, d'une mousse, d'une herbe marine dont il étudiait les mystères. Il cherchait une rime au sein des corolles odorantes, comme l'abeille eût été butiner son miel. Il admirait même souvent son but, et sans vouloir s'expliquer son plaisir, les filets délicats imprimés en couleur foncée sur les pétales, la délicatesse des riches tuniques d'or ou d'azur, vertes ou violâtres, les découpures si profusément belles des calices ou des feuilles, leur tissu mat ou velouté qui se déchirait, comme son âme au moindre effort. Il demeurait pendant de longues journées couché sur le sable, vivant sa vie douce et molle, heureux, poète sans le savoir. Et alors, l'irruption soudaine d'un insecte doré, les reflets du soleil dans l'océan, les tremblements du vaste et limpide miroir des eaux, un coquillage, une araignée de mer, tout devenait événement, plaisir pour cette âme ingénue. Voir venir sa mère, entendre de loin le frôlement de sa robe, l'entendre, la baiser, lui parler, l'écouter, lui causait des sensations si vives que souvent, en retard, la plus légère crainte lui donnait une fièvre dévorante. À l'âge de 16 ans, Étienne avait la taille d'un enfant, et semblable à une plante étiolée, ses longues méditations l'avaient habitué à pencher la tête. Sa peau transparente et satinée comme celle d'une petite fille laissait voir le plus léger rameau de ses veines bleues. Sa blancheur était celle de la porcelaine. Ses yeux clairs exprimaient la faiblesse, une douceur ineffable. Ils imploraient protection, car il y avait de la prière dans son regard, et la modestie la plus vraie dans tous ses traits. De longs cheveux châtains, plats, lisses et fins, se partageaient en deux bandeaux sur son front et se bouclaient à leur extrémité. Ses joues étaient pâles et creuses, son front pur, marqué de quelques rides, faisait mal à voir, car il trahissait une souffrance lente et profonde. Sa bouche, gracieuse et ornée de dents très blanches, conservait cette espèce de sourire qui se fixe sur les lèvres des mourants. Ses mains étaient blanches comme celles d'une coquette, et remarquablement belles. Sa voix avait un timbre qui inspirait l'amour. Enfin, vous eussiez cru voir une tête de jeune fille malade sur un corps débile et contrefait. Il n'y avait qu'une âme en lui, et à cette âme, il fallait le silence, des caresses, la paix et l'amour. Sa mère lui prodiguait l'amour et les caresses. Les rochers étaient silencieux. Les fleurs, les livres charmaient sa solitude, et son petit royaume de sable et de coquilles, d'algues et de verdure, lui semblait un monde toujours frais et nouveau. Aussi, jusqu'à l'âge de 18 ans, Étienne fut-il heureux. Mais bientôt il éprouva le plus affreux malheur qui put l'affliger. La comtesse, dévorée par le chagrin, était en proie depuis longtemps à une maladie de langueur. Elle mourut. Étienne resta seul dans le monde. Sa douleur fut muette. Il ne courut plus à travers les rochers. Il ne se sentit plus la force de lire, de chanter. Il demeura des journées entières, accroupi dans un creux de rocher, indifférent aux intempéries de l'air, immobile, attaché sur le granit, semblable à l'une des mousses qui y croissaient, pleurant bien rarement, mais perdu dans une seule pensée, immense, infinie comme l'océan. Et comme l'océan, elle prenait mille formes, devenait terrible, orageuse, calme. C'était plus qu'une douleur, c'était une vie nouvelle, une irrévocable destinée. Cette pauvre petite créature ne devait plus sourire. Il y a des peines qui, semblables à du sang jeté dans une eau courante, teignent momentanément les flots. Puis l'onde, en se renouvelant, restaure la pureté de sa nappe. Mais chez Étienne, la source même était adultérée, et chaque flot du temps devait lui apporter une même dose de fiel. À son lit de mort, la comtesse avait confié son fils au vieux Bertrand. Avertie par un instinct qui ne trompe jamais les mères, elle s'était aperçue de la pitié profonde qu'inspirait à l'écuyer le chétif héritier de la maison puissante, à laquelle il portait un sentiment de vénération comparable à celui de Tom le Long pour son navire. Bertrand fut donc la providence de son jeune maître. Presque octogénaire, le fidèle serviteur avait conservé l'intendance des écuries pour ne pas perdre l'habitude d'être une autorité dans la maison. Et comme son logis se trouvait près de la chaumière où se retirait Étienne, il était à portée de veiller sur lui avec cette persistance d'affection et cette simplicité rusée qui caractérisent les vieux soldats. Il dépouillait toute sa rudesse pour parler au pauvre enfant. Il allait doucement le prendre par les temps de pluie, et l'arrachant à sa rêverie, il le ramenait au logis. Il mit de l'amour-propre à remplacer la comtesse de manière à ce que le fils trouvât, sinon le même amour, du moins les mêmes attentions. Cette pitié ressemblait à de la tendresse. Or, comme le vieil écuyer s'attachait de plus en plus à son maître, Étienne supporta sans plainte et sans résistance les soins du serviteur. Mais il n'y eut jamais de sympathie entre eux. Tous les liens étaient brisés entre l'enfant maudit et les autres créatures. Sa mère avait emporté dans la tombe tout ce qu'il pouvait porter d'amour à un être de son espèce. Il semblait que son cœur eût été brisé comme son corps par la nature. Aussi devint-il une sorte de créature intermédiaire entre l'homme et la plante, ou peut-être entre l'homme et Dieu. Son âme conservait une pureté native. Il ignorait les lois sociales, les faux sentiments du monde, et n'obéissait qu'à l'instinct de son cœur. Néanmoins, malgré sa sombre mélancolie, il sentit bientôt le besoin d'aimer, d'avoir une autre mère, une autre âme à lui. Et comme une barrière d'airain s'élevait entre lui et la civilisation, à force de chercher un être auquel il put confier ses pensées et dont il put partager la vie, il finit par sympathiser avec l'océan. toujours en présence de cette immense création, dont les merveilles cachées contrastent si puissamment avec celles de la terre, il découvrit d'étonnants mystères. Familiarisé dès le berceau avec l'infini de ses campagnes humides, la mer et le ciel lui racontaient d'admirables poésies. Pour lui, tout était varié dans ce large tableau, si monotone en apparence. Comme tous les hommes dont l'âme domine le corps, il avait une vue perçante et pouvait saisir à des distances énormes, avec une admirable facilité, sans fatigue, les nuances les plus fugitives de la lumière, les tremblements les plus éphémères de l'eau. Il admirait même, par un calme parfait, les teintes multipliées de la mer, qui, semblable à un visage de femme, avait alors une physionomie, des sourires, des idées, des caprices. Là, verte et sombre, ici riant dans son azur, tantôt unissant ses lignes brillantes avec les tremblantes lueurs de l'horizon, tantôt se balançant d'un air doux sous des nuages bruns. Il y avait pour lui des fêtes magnifiques, pompeusement célébrées au coucher du soleil, quand l'astre versait ses couleurs rouges sur les flots comme un manteau de pourpre. La mer était gaie, vive, spirituelle au milieu du jour, lorsqu'elle frissonnait en répétant l'éclat de la lumière par mille facettes éblouissantes. Puis, elle lui révélait d'étonnantes mélancolies et le faisait pleurer, lorsque, résignée, calme et triste, elle réfléchissait un ciel gris chargé de nuages. Il avait saisi tous les langages muets de cette immense créature. Le flux et reflux étaient comme une respiration mélodieuse dont chaque soupir lui peignait un sentiment. Il en comprenait le sens intime, et nul marin, nul savant, n'aurait pu prédire mieux que lui la moindre colère de l'océan, le plus léger changement de sa face. À la manière dont le flot venait mourir sur le rivage, il devinait les houles, les tempêtes, les grains, la force des marées. Quand la nuit étendait ses voiles sur le ciel, il la voyait encore sous les lueurs crépusculaires et conversait avec elle. Enfin, il participait à sa grande et féconde vie. Il éprouvait en son âme une véritable tempête quand elle se courroussait. Il respirait dans ses sifflements aigus, courait dans ses lames énormes qui se brisaient en mille franges liquides sur les rochers, se sentait intrépide et terrible comme elle, et comme elle, bondissait par des retours prodigieux, gardait des silences mornes, imitait ses clémences soudaines. Il avait épousé la mer. Elle était sa confidente, son amie, son bonheur. Le matin, quand il venait sur ses rochers, en parcourant les sables fins et brillants de la grève, il reconnaissait l'esprit de l'océan par un simple regard. Il en voyait soudain les paysages et planait ainsi sur la grande face des eaux, comme un ange du ciel. Si de joyeuses, de lutines, de blanches vapeurs lui jetaient un réseau vague, comme un voile au front d'une fiancée, il en suivait les ondulations et les caprices avec une joie délicieuse. C'était un charme pour lui que de la trouver coquette au matin comme une femme qui se lève, fraîche, rouge, encore tout endormie. Sa pensée, mariée avec cette grande pensée divine, le consolait dans sa solitude, et les mille jets de son âme avaient peuplé son étroit désert de fantaisies sublimes. Pure comme un ange, vierge des idées sociales qui dégradent tant les hommes, naïf comme un enfant, il vivait comme une mouette, comme une fleur, prodigue seulement des trésors d'une imagination poétique, tantôt s'élevant jusqu'à Dieu par la prière, tantôt redescendant, humble et résigné, jusqu'au bonheur paisible de la brute. Incroyable mélange de deux créations. Pour lui, les étoiles étaient les fleurs de la nuit, le soleil un père, les oiseaux des amis. Partout il plaçait l'âme de sa mère. Souvent il la voyait dans les nuages, il lui parlait, et ils communiquaient réellement ensemble par des visions célestes. Il y avait des jours où il entendait sa voix, où il admirait son sourire, des jours où il ne l'avait pas perdue. Dieu semblait lui avoir donné la puissance des anciens solitaires, des sens intérieurs plus parfaits, des forces morales inouïes, qui lui permettaient d'aller plus avant que les autres hommes dans les secrets des œuvres immortelles. Ses regrets et sa douleur étaient comme des liens qui l'unissaient au monde des esprits. Il y pénétrait, armé de son amour, pour y aller chercher sa mère, réalisant ainsi, par les sublimes accords de l'extase, la fabuleuse entreprise d'Orphée. Il s'élançait dans l'avenir, dans le ciel, comme de son rocher il volait sur l'océan d'une ligne à l'autre de l'horizon. Souvent aussi, quand il était tapis au fond d'un trou profond capricieusement arrondi dans un fragment de granit, et dont l'entrée avait l'étroitesse d'un terrier. quand, doucement éclairé par les chauds rayons du soleil qui passaient par des fissures et lui montraient les jolies mousses marines dont cette retraite était décorée, véritable nid de quelque oiseau de mer, là, souvent, il était saisi d'un sommeil involontaire. Le soleil, son souverain, lui disait seul qu'il avait dormi en lui mesurant le temps pendant lequel avaient disparu, pour lui, ses paysages d'eau, ses sables dorés, ses coquillages. Alors, il admirait à travers une lumière brillante comme celle des cieux, les villes immenses dont ses livres lui parlaient. Il allait, regardant avec étonnement, mais sans envie, les cours, les rois, les batailles, les hommes, les monuments. Ce rêve en plein jour lui rendait toujours plus cher ses douces fleurs, ses nuages, son soleil, ses beaux rochers de granit. Il semblait qu'un ange lui révélait les abîmes du monde moral et les chocs terribles des civilisations pour le mieux attacher à sa vie solitaire. Il sentait que, s'il se hasardait à traverser ces océans d'hommes, son âme y serait bientôt déchirée, qu'il y périrait brisé comme une fleur qui tombe du bord d'une pauvre mansarde dans la boue d'une rue. Un jour, en 1617, 20 et quelques années après l'horrible nuit pendant laquelle Étienne fut mis au monde, le duc d'Hérouville, alors âgé de 75 ans, vieux, cassé, presque mort, était assis au coucher du soleil dans un immense fauteuil devant la fenêtre ogive de sa chambre à coucher, à la place d'où jadis la comtesse avait si vainement réclamé par les sons du corps perdu dans les airs le secours des hommes et du ciel. Vous eussiez dit un véritable débris de tombeau. Sa large et puissante figure, dépouillée de son aspect sinistre par la souffrance et par l'âge, avait une couleur blafarde en rapport avec les longues mèches de cheveux blancs qui tombaient autour de sa tête chauve, dont le crâne jaune semblait débile. La guerre et le fanatisme brillaient encore dans ses yeux gris, mais ils y étaient tempérés par un sentiment religieux. La dévotion jetait une teinte monastique sur ce visage, jadis si dur et maintenant sillonné de rides, qui en adoucissait l'expression. Les reflets du couchant coloraient cette tête encore vigoureuse par des tons doux, et le corps affaibli, enveloppé de vêtements bruns, achevait, par sa pose lourde, par la privation de tout mouvement, de peindre l'existence monotone, le repos terrible de cet homme, autrefois si entreprenant, si haineux, si actif. « Assez !» dit-il à son chapelain, vieillard vénérable, qui lui lisait l'Évangile en se tenant debout devant lui, dans une attitude respectueuse. Le duc, semblable à ces vieux lions de ménagerie qui arrivent à une décrépitude encore pleine de majesté, se tourna vers un autre homme en cheveux blancs et lui tendit un bras décharné, couvert de poils rares, encore nerveux, mais sans vigueur. « À vous, rebouteur, s'écria-t-il, voyez où j'en suis aujourd'hui. Tout va bien, monseigneur, et la fièvre a cessé. Vous vivrez encore de longues années. Je voudrais voir Maximilien ici, reprit le duc en laissant échapper un sourire d'aise. Ce brave enfant. Il commande maintenant sa compagnie d'arquebusiers chez le roi. Le maréchal d'Ancre en a eu soin. Notre gracieuse reine Marie pense à le bien apparenter et mon nom sera dignement continué. Il a fait des prodiges de valeur à l'attaque. En ce moment, Bertrand arriva, tenant une lettre à la main. « Qu'est ceci ? » dit vivement le vieux seigneur. « Une dépêche apportée par un courrier que vous envoie sa majesté, » répondit l'écuyer. « Les Huguenots reprendraient-ils les armes ? Des dieux pleins de reliques ?» s'écria le duc en se dressant et jetant un regard étincelant sur les trois vieillards. « J'armerai encore mes soldats, et avec Maximilien à mes côtés, la Normandie. « Asseyez-vous, mon bon seigneur. » dit le rebouteur inquiet de voir le duc se livrer à une bravade dangereuse chez un convalescent. « Lisez, maître Corbineau, » dit le vieillard en tendant la dépêche à son confesseur. Ces quatre personnages formaient un tableau curieux, plein d'enseignements pour la vie humaine. L'écuyer, le prêtre, le médecin, blanchis par les années, tous trois debout devant leur maître assis dans son fauteuil, ne se jetant l'un à l'autre que de pâles regards, traduisant chacun l'une des idées qui finissent par s'emparer de l'homme au bord de la tombe, tous fantastiquement éclairés par les riches couleurs du couchant, silencieux, composaient un tableau sublime de mélancolie et fertile en contraste. Cette chambre sombre et solennelle, où rien n'était changé depuis plus de 20 années, encadrait merveilleusement cette page poétique pleine de passions éteintes, attristée par la mort, remplie par la religion. Le maréchal d'Ancre a été tué sur le pont du Louvre, par ordre du roi, puis « Achevez !» cria le seigneur. « Votre fils, eh bien, mort !» Le duc pencha la tête sur sa poitrine, fit un grand soupir et resta muet, immobile. À ce mot, à ce soupir, Les trois vieillards se regardèrent. Il leur sembla que l'illustre et opulente maison d'Hérouville disparaissait devant eux comme un navire qui sombre. « Le maître d'en haut, » reprit le duc en lançant un terrible regard sur le ciel, « se montre bien ingrat envers moi. Il ne se souvient guère de ce que j'ai osé pour sa sainte cause. « Dieu se venge, » dit le prêtre d'une voix grave. « Mettez-moi cet homme au cachot, » s'écria le seigneur exaspéré. « Vous pouvez me faire taire plus facilement que votre conscience. » Le vieillard redevint pensif. « Ma maison périr, mon nom s'éteindre. Je veux me marier, avoir un fils, » s'écria-t-il après une longue pause. Le rebouteur ne put s'empêcher de sourire, tout effrayante que fut l'expression du désespoir peint sur la face du duc d'Hérouville. En ce moment, au milieu du silence et dominant le doux murmure de la mer, un chant aussi frais que l'air du soir, aussi pur que le ciel, simple comme la couleur verte qui teignait l'océan, s'éleva soudain pour charmer la nature. La ravissante mélancolie de cette voix céleste, la mélodie des paroles, la musique plaintive, répandaient de l'âme un sentiment semblable à je ne sais quel parfum magique. L'harmonie montait comme par nuage. Elle remplissait les airs. Elle versait du baume sur toutes les douleurs, ou plutôt elle les consolait en les exprimant. La voix s'unissait au bruissement de l'onde avec une si rare perfection qu'elle semblait sortir du sein des flots. C'était plus doux qu'une parole d'amour, car il y avait la délicieuse fraîcheur de l'espérance. « Qu'est-ce ceci ? » demanda le duc. « C'est le petit rossignol qui chante. Tel est le nom que nous avons donné au fils aîné de Monseigneur, » répondit Bertrand. « Mon fils ! » s'écria le vieillard. « J'ai un fils ! Un fils !» Il se dressa sur ses pieds et se mit à marcher dans sa chambre d'un pas lent et précipité tour à tour. Puis, faisant un geste de commandement, il renvoya ses gens à l'exception du prêtre. Le lendemain matin, le duc, appuyé sur son vieil écuyer, allait sur la grève, à travers les rochers, cherchant le fils que jadis il avait maudit. Il l'aperçut de loin, tapi dans une crevasse de granit, nonchalamment étendu au soleil, la tête posée sur une touffe d'herbe fine, les pieds ramassés gracieusement sous le corps. Il ressemblait à une hirondelle en repos. Aussitôt que le grand vieillard se montra sur le bord de la mer, et que le bruit de ses pas, assourdi par le sable, résonna faiblement, en se mêlant à la voix des flots, Étienne tourna la tête, jeta un petit cri d'oiseau surpris et disparut dans le granit même, comme une souris qui rentre si lestement dans son trou que l'on finit même par douter de l'avoir aperçu. Hé, tête Dieu pleine de reliques, où s'est-il donc fourré ? S'écria le seigneur en arrivant au rocher sur lequel son fils était accroupi. Il est là, dit Bertrand en montrant une fente étroite dont les bords avaient été polis, usés par les assauts des hautes marées. « Étienne, mon fils !» cria le vieillard. L'héritier ne répondit pas. Alors, pendant une partie de la matinée, le duc supplia, menaça, gronda, implora tour à tour, sans pouvoir obtenir de réponse. Parfois il se taisait, appliquait l'oreille à la crevasse, et tout ce que son ouïe faible lui permettait d'entendre était le sourd battement du cœur d'Étienne, dont les pulsations précipitées retentissaient sous la voûte sonore. « Il vit au moins celui-là, » dit le vieillard d'un son de voix déchirant. Au milieu du jour, le père au désespoir eut recours à la prière. « Étienne, lui disait-il, mon cher Étienne, Dieu m'a puni de t'avoir méconnu, il m'a privé de ton frère. Aujourd'hui, tu es mon seul et unique enfant. Je t'aime plus que moi. J'ai reconnu mon erreur et je sais que tu as véritablement mon sang dans tes veines et celui de ta mère dont j'ai causé le malheur. Mais viens !» « Je tâcherai de te faire oublier mes torts en te chérissant pour tout ce que j'ai perdu. »« Étienne, tu seras duc d'Hérouville, pair de France, chevalier des ordres, capitaine de 100 hommes d'armes, grand bailli du Bessin, gouverneur de Normandie pour le roi, seigneur de 27 domaines, de 49 clochers. Tu auras pour femme la fille d'un prince. Tu seras le chef de la maison d'Hérouville. Veux-tu donc me faire mourir de chagrin ? Viens, viens, ou je reste agenouillé là. » devant ta retraite, jusqu'à ce que je te voie. » Mais l'enfant maudit, n'entendant pas ce langage hérissé d'idées sociales, de vanité qu'il ne comprenait pas, et retrouvant dans son âme des impressions de terreur invincible, resta muet, livré à d'affreuses angoisses. Alors, sur le soir, le vieux seigneur, ayant épuisé toutes les formules de langage, toutes les ressources de la prière et les accents du repentir, se jeta, frappé d'une sorte de contrition religieuse, à genoux sur le sable, et fit en lui-même ce vœu. « Je jure d'élever une chapelle à Saint-Jean et à Saint-Étienne, patron de ma femme et de mon fils, d'y fonder 100 messes en l'honneur de la Vierge, si Dieu et les saints me ramènent mon fils. » Il demeura dans une humilité profonde, agenouillé, les mains jointes, pria. Et ne voyant point paraître son enfant, l'espoir de son nom, alors de grosses larmes sortirent de ses yeux si longtemps secs et roulèrent le long de ses joues flétries. En ce moment, Étienne, qui n'entendait plus rien, s'étant coulé sur le bord de sa grotte comme une jeune couleuvre affamée de soleil, vit ses larmes, reconnut le langage de la douleur, et saisissant la main de son père, il l'embrassa, disant d'une voix d'ange, « Oh mère, pardonne !» Ainsi s'achève l'enfant maudit par Honoré de Balzac.